Ven conmigo toda la noche en mi cama, me llamalo por ti yo, por ti yo, por ti yo. Fate míralo, vante míralo, vante míralo, que me da todo tanto calor. Mi cama, me llamando, ven conmigo, bailamos, bailamos, bailamos conmigo. Toda la noche, vante míralo, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, me excitando por ti yo, por ti yo. Hey, bam, barum, barum, bam, barum, barum, bam, barum, barum. Vamos mis amigos en Bogotá, en fiesta de Bogotá. Yo quiero bailar, yo quiero cantar, toda la noche bailando, bailando. Yo quiero gigante bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, cántalo. Yo quiero pa' mi cachor que gigante bailando, bailando, bailando, my mejor. Reggaeton, reggaeton, reggaeton, my reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton. Más mejor, más mejor, más mejor. Todo gente le gusta lo. Mi canción, mi canción, mi canción, mi canción. Le gusta lo, le gusta lo. Fais les effets spéciaux, ça va. Toda la noche, yo quiero cantarlo. Toda la noche, todo latino. Sabemos, bailamos, también cantaremos. También cantaremos. Todo mundo, me levanto la mañana, la mañana, la mañana. Cogemos como escopar dinero. Todo mundo le gusta, lo le gusta. Dinero, dinero, dinero, dinero. Me gusta, lo me gusta, lo me gusta. Bailamos, bailamos, bailamos, le excitamos. Hey, me mangaba celoria, te llaves manza. Te dedicas también mascarilla acá. Me mangaba tu celoria, celoria. Me mangaba tu, te dedicas también mascarilla acá. Menativa, menativa, menativa, piquilo. Paco Guive, me mangaba tu mes. Paco Guive, me mangaba tu mes. Mante míralo, que me excitando, que me soy guapa, que tú soy guapa, tú soy morena, por eso veré. Si tú quieres conmigo toda la noche, vente, vente conmigo, todo mi cuerpo, me excitando, yo. Me gusta lo como tú me das corazón, me gusta lo como tú me das, tanto me llamas, por eso. Vene contigo. Me mancava, estamos oh oui. Me mancava tut me mancava tut me. Sois cotivé. To the west side. Hey, salut Amila, vas-y. A jamais un mec de la TC, Yoan and the way, ouais, j'ai ça dans le cœur de devenir un vrai spourouest. No fa que se mette l'offese, la fe colombe tassé. A jamais un mec de droit, du cœur, ma gueule, ouais, tu as 100% avec moi, ouais, ouais. Non, pas ça. On est à 6 minutes de direct là, mais on est là. Mets-moi le tel MC. Laisse faire le tempo. On s'échauffe un peu. On attend que Jason se réveille pour nous faire la chronique de sport. Attends, là je parle tranquille. Ok, ok. On va mettre la chanson. Merci qu'on ait écouté, merci. Laisse. On peut chanter après, frérot ? Après, c'est grave. Non, mais attends, on va nous mettre le sol au tempo. Juste une pause, frère. Juste une pause. D'abord, nous, après, tu fais ce que tu veux. Ouais, Ringo, voilà. Ouais. Je sais. Il est tellement fort, là. Ouais, c'est à nous de crier, maintenant. Ouais, non, c'est à nous. Laisse faire le tempo. Après, je fais que ce décart. C'est donc laquelle ? Laisse faire le tempo de Little MC. Écoute bien les paroles, je te laisse écouter. Moi je chante. Moi t'écoute, moi je chante. Et tu me l'as fait à ta façon. Et comment tu rentres à ma façon ? Voilà, à ta façon. Et je vais t'aider. C'est normal, oui, c'est pour toi qui chante aussi. Il y a des chanteurs ici. Hein. On est des anciens, nous. Ah, des anciens. Ah, ouais. Ah, c'est vrai qu'il est ancien. Ah ouais, donc c'est qui ton mec. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ah, c'est. Avec son oncle là. Avec son oncle là. Avec son oncle là. C'est vrai qu'il est forcé à grincer les cheveux. Mais tu penses que... Écoute le son. Chérie, laisse-moi te regarder ou mieux te contempler. Ce n'est pas difficile, facile, je vais tester, te faire des bisous partout dans le cou. Oh ma chérie, je t'aime. Sans te mentir, je voudrais te dire que je pense à toi lorsque tu es loin de moi. Chérie, viens m'embrasser, chérie, viens m'enlacer. Chérie, fais-moi kiffer, j'ai envie de t'aimer. Je sais ce que tu veux, je le vois dans tes yeux. Allumer le feu qu'il y avait entre nous deux. Je ferai des efforts, encore et encore, rester près de toi, à la vie, à la mort. Ne pleure plus, chérie, les portes sont closes. Juste toi et moi pour que la vie soit rose. Je pense sincèrement que tu es celle qu'il me faut, oh baby. Laisse faire le tempo, toujours. Laisse donc faire le tempo. J'avoue, baby, j'étais égoïste. Et toi, l'artiste. L'artiste, yo yo. Ah, j'ai pas le tempo. Vous voulez qu'on aille. Faut une instrumentale, faut une instrumentale. Voilà, donc regarde. Tu non non. Laisse donc faire le tempo. On n'entendait rien. Si on entend des choses, il faudrait peut-être installer les haut-parleurs là. Mets la musique, laisse faire le tempo. Mets la musique. Dites à la musique. Ah, mais mets quelque chose de bien. Parce que oui, oui, laisse faire le tempo. Il faut le donner le. Tu as quoi comme. Oui, mais toi, t'as pas une entrée. Oh, moi, j'ai pas d'entrée, c'est vrai. Je sais pas si. Mais si, c'est pas possible. Si, là, là, là, t'as une entrée. Là, là. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, laisse faire le tempo de Little MC. C'est 3 minutes. On est à 3 minutes là. On va parler de quoi après ? Amina, tu vas parler de quoi aujourd'hui ? Toi, tu veux parler de quoi ? On va parler de politique. Ok, d'accord. Il y a pas encore de la politique. Oh non, politique. Il y a pas encore de la politique. On va parler de politique. Ah, écoutez la musique, laisse faire le tempo. Elle dure 3 minutes. Alors ? Laisse faire le tempo, tout simplement. Faire le tempo. Le tempo. Et les gens d'en bas, ils ne montent pas ? Non, ils ne montent pas, ils sont interdits. Ils sont interdits. Pourquoi ils sont interdits ? Pedro, il a dit aux infirmières de venir. Qu'est-ce qui vous arrive là ? Comment ça ? Lui, laisse faire le tempo. Celui-là ? C'est là, voilà. Oui, mais là, Pedro, il a dit aux infirmières de monter elle-même, parce que chaque fois que je monte, mais non, il n'était pas autorisé. T'inquiète, je suis en train de gérer. Gère ton téléphone. Pedro, il avait dit à des infirmières de monter, mais... Là, on est à 2 minutes, j'ai pas le temps d'aller chercher les gens. Bon, on va aller en direct. Vous voulez quoi ? Tu veux quoi ? Ouais, tu veux une cigarette, toi ? Ton œil ? Ouais. Ah, merci. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, attends, j'ai une cigarette. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Avec qui tu chantes ? Elle est super gentille, elle. Non, pas de musique comme ça. Non, parce que là. Parce qu'elle a des belles paroles, là, je te jure. Jason ! Touche un. Voilà, une minute. Moi, chérie, viens m'embrasser, chérie, viens m'enlacer. Chérie, fais-moi kiffer, j'ai envie de t'aimer. Je sais ce que tu veux, je le vois dans tes yeux. Allumer le feu qu'il y avait entre nous deux. Je ferai des efforts, encore et encore. Rester près de toi, à la vie, à la mort. Ne pleure plus chérie, les portes sont closes. Juste toi et moi pour que la vie soit rose. Je pense sincèrement que tu es celle qu'il me faut. Va fumer. Laisse faire le tempo. J'avoue baby, j'étais égoïste. Sois pas comme ma tête. Non fais l'eau que c'est, ma fait que t'en fais qu'aimer. Non fais c'était mais, non fais l'eau c'était. Pas fait que c'est toi, fais que me fasse c'est toi. Laisse tout tomber. Elle est là, eh. Je la vois contre moi, cette girl, eh. J'ai envie de lui faire du sale à Paris, ouais, tellement elle a pas. Hello baby, laisse-moi te parler. Veux-tu m'écouter? Mon cœur est ébranlé, allez, que tu veux laisser. Un si bel amour, de nuit comme de jour. Nos corps entrelacés, c'est son amour. Voilà, c'est Radio Métanoïa, on est en direct. Je ferai tout pour toi, prisonnier de ta séduction. J'aime la douceur de tes mains. Je suis sûr que le rêve n'est plus très loin. Je veux dédicace à la ville du 7-7. Attention, il a besoin de force. Il y en a une qui lui a fait du sale. Attention. Allez, on y va. Ta beauté me pousse à faire glisser ma langue le long de ta peau douce. Mon cœur t'appartient, mais tu ne dis rien. Oh, babe. Il s'écrase. On l'a écouté. Non, non, mais on continue. Elle va préparer un café. On y va. On est déjà en direct. La Métanoïa, la sœur Pinot. Vas-y, Yamila. Je te suis. Faire le tempo. Laisse faire le tempo. J'avoue, baby, j'étais égoïste. T'as contre moi. Bon, pour te rappelles-tu, baby, ces longues heures entre la. Je suis sur même lit. Les heures finissent toujours en drame. Lorsqu'un homme est pris d'amour pour une femme, je ne sais pas si tu mens, mais si l'amour c'est ça, pourquoi m'as-tu abandonné dans un monde aussi froid? Laisse-moi t'aimer, même les yeux fermés. Même elle retrouvera ton point sensible au toucher. Oh, trop de timidité. Voilà pourquoi RL a longtemps hésité. Ma seule issue était ces quelques mots. Là, je peux exprimer mes sentiments. C'est bon. Ouais, chaud. On va lapider. Sincère, on va bien lui montrer que la psychiatrie, on rigole pas. Et nous, quand on nous fait du sale, on va l'enchaîner. Et après, on va faire quoi? On va l'enculer. Enculé. Je te laissais seul le soir et tu étais triste. Me regardant partir, partir loin de toi. Tu t'aideras, tu pleurer et cela plus de 100 fois. Baby, je regrette. Et tu satisfaite. Fais-moi un baiser, ne repousse pas ma requête. Épuisé d'attendre, mon cœur va se fendre. Bien avant que l'aube de ce vie s'étendre, baby. J'essaie de me dire, quel est ton désir? Je veux petit baiser et je chavire de plaisir. Un peu d'attendre, je serai docile. Bien avant que l'aube ne plaise. Tu es si fragile, étincelle lumière. Baby, laisse-toi faire, tu es si magnifique. Tu es si ferme, je suis ta protection. Tu es une inspiration. Oh, on va mettre Claude François. Viens par ici, tu emmènes ton vie. Je sens dans ton corps une chaleur montée, baby. Serré contre toi, je suis chérie dans mon dos. Laisse faire le tempo. Bon, on est sur Radio Métanoïa. Si, Didi, Todo, si tu veux mettre la musique, il faut que tu la mettes ici, que ça passe par un micro. Sinon, on n'entend pas. Et qu'il faut que tu mettes un casque, sinon ça passe pas. MTR, ça dit quoi? Un peu quoi? Ouais. Hey. Hey. Hey. Ouais, c'est MTR, l'équipe, c'est peur quoi? Pour quoi? Peur, ça dit quoi? Ok, il est là. Ah, il y a l'équipe. Ah, l'équipe. Ah, l'équipe. Ouais, c'est MTR. Je suis tellement loin, que je suis comme l'illuminati. Bouteille Jack Daniel, Moruto avec la bouteille. C'est rouge comme du sang quand ça vient, ça pousse quand tu viens pas. Bouteille d'urine dans la bouteille. Jack Daniel, fusil à pompe. Mon dieu, c'est Jack Daniel, il est arrivé ce soir. Puis la bouteille, Jack Daniel, bouteille de sang dans le cristal. Quand tu bois la bouteille, ça fait, ça a pété un tir. La bouteille, le cristalline, quand on n'arrive pas, c'est du cristalline. Le sang, c'est de l'eau. quand tu bois une bouteille de champomy, c'est de la pisse. Sous Jack D. 9, 4, 7, 7, D. 93, 104. Ouais, 7, 7. 7, 7, 9, 3. On est posé ici à Bondy. Doudou et moi, c'est MTR. Et Doudou, on fait un clip à deux. Ouais, L'année 2010, c'était arrivé à l'époque. 2010, tous les rappeurs étaient arrivés, y'avait Doudou et moi. On fait un freestyle de 3-0, coupé décalé quand tu viens pas. Le 3 soleil, le soleil t'arrive pas quand tu ramènes pas. Il est pas branché. Le soleil vient d'en haut. Il vient d'en haut quand il part du ciel. Il vient pas, c'est coupé décalé ici. Avec ta baffe JBL, tu mets du son à volume. Quand tu viens, ta bouteille c'est de l'eau. Doudou c'est ici. Année 2010, quand on n'est pas arrivé ici, c'est Doudou et Banks. Doudou Banks, c'est moi. On est posé ici à Bondy. T'as rien. Doudou. Doudou et moi, MTR, c'est le freestyle. 2010, yes. MTR, mon très Bondy sous bois. On est là, ici posé au bois de Bondy. On est posé là. Martin, il a sa radio. Il sait pas gérer la séance. Quand il gère, on tire un ordinateur portable. Quand tu viens pas. Tout le temps, c'est moi qui vote en retour. La sonde, on est pas faux, faut que tu te pas ma vie. MDR, c'est dur comme du fer, alors je peux rien faire. Je peux faire rien faire, rien faire. Tout le monde, tu te vois, tu une habitude qui te capture. Je à l'enfant de mon enfant. Pour respecter la famille, les amis, le braquage. Je passe du vol au braquage, là, c'est la grande à ballon. Je chante pour tous ceux qui ont plein de souffrance dans leur cœur. Je chante pour tous ceux qui n'ont pas de père, pas d'enfant, qui pensent seulement à l'intelligence. Et Romane, c'est chapalise, la tapine, t'es tranquille, tout mais la tête spectérine, la familiale et t'es salada. T'as la wayside. T'as la wayside. Dans 9-3 pour prendre des billets anti-marseillais. Attends pour les regrets. Marseille, encore 7-7-9-7, Marseille, Paris, on en force. Avec Doudou et moi, on est posé ici. 93, 147-7, 3MTR, Biparis, 17-7, Bondinor, avec Bondi, Montreuil sous bois. On nique l'État. Bondy 7-7, Bondy 93-147-7, Mille Parisi montre Bondy sous poids. On est posé ici avec Martin. Il prend radio en direct. En direct, passe en Skyrock. Martin. Près de plus heures dans Skyrock. Bouteille de Jack Daniel. Bouteille de Jack Daniel, Pepsi, Moruto, vodka. Bouteille de Polyakov, quand tu ramènes pas ça, tu bois tes poulets. Alors y'a pas le travail, on va faire le business. Je préfère faire du sport. Des billets, des business. 93-100, Bondy, montré sous bois. Et Martin est là, quand tu viens avec tes cheveux verts. On dirait un trajet vert quand tu viens pas. Voiture. On dirait une pelouse quand tu roules un pelouse. Et pour son tracteur sans permis quand tu viens poser ici. Mais ici c'est Paris, Marseille, anti-marseillais. Ici c'est Paris Marseille quand tu viens pas dans le ghetto, quand tu poses pas ton micro, quand tu viens avec Martin. Cheveux verts comme un tragibus vert. Ton cri aux couleurs il est vert. Tes cheveux sont verts. On dirait un créneau de couleur vert. Martin, tu parles du jeu mignon. C'est quoi cette marque? On dirait un canard qui crie. Quoi quoi le canard quand tu viens pas. Ton bouchon il est vert. On dirait un clown avec ton nez. Et puis bizarre il est vert. Un Pokémon tragibus vert quand tu posais pas ici. Avec Doudou. Ouais, c'est moi Doudou. Ok. Attends. J'ai commencé à textoter avant de rapper. J'ai pas besoin de bédo pour m'inspirer. Je suis toujours posé mais jamais dosé. Des fois tout matin je m'en suis pas fait assez. Toi-même tu sais, ABC, des AVK, Audita, de la Cota. Pour ça 24 d'Ivoire c'est ma vie, j'oublie pas aussi. 92 plus 1 en forme plus que Bondina. Je promets que mes textes que je les réécris toujours au propre. Ouais. T'as fait 92 plus 1, ça fait 93. Mon gars, on est posé ici. Ah bon, dis. Martin, il a son micro. On dirait un dragibus. Viens quand tu parles, on dirait un. On dirait un fusil à pompe avec ton micro. Quand tu parles, on tire. Papa, on est posé ici. Ouais. Hey. C'est Metanoia en direct sur Pinot. Yeah. 17h11. Oh. C'est Martin, Martin, l'équipe 1. Ouais. Et si c'est Paris, mec? Y'a la Tupac. Ouais. Quel toi, Tupac. Ouais, secteur BB Paris 17-7. 7-7-9-3 ici, Martin. Allez, si c'est Paris, on tient Marseillais. Et si c'est Paris, on est posé. BB Paris, ça. Marseille, on veut pas de poids d'ici. Je te vois, ça me refoule tout mon corps. Il faut que tu sois dans le clair. J'aime-moi ces filles de panthère. Sirigny à ta mère, ni à ton père. J'aime-moi ton corps, tout mon corps est chaud pour toi. Ma chambre m'appelle pour toi, bébé. J'aime-moi tes yeux, toute la nuit, je dirai ni à ta mère ni à ton père. Fais-moi le chaud, bébé. Colle-toi comme elle est mon bébé. Mais voilà, c'est normal. Mais California Love instrumental. Ah ouais, c'est grave, les potes, c'est grave. Oh les gars. Bon, tu. Si tu veux du cash, je te donnerai du cash si tu veux faire le tour du monde avec moi. Ouais, c'est MTR sont caliente. Ouais, ouais. On est posé ici. Dans l'été. C'est l'été, il fait chaud, c'est caliente. Le soleil est arrivé avec Martin. Dans mon jeu, c'est le sud. On a vu Martin. Martin, voir du Jack Daniel. Il est posé, il sort la radio quand il est bourré. Il boit whisky quand il est bourré. Il va conduire dans la radio. Quand tu prends la radio, écoute pas Skyrock. Tu seras bourré, Martin. Radio de Martin, c'est Skyrock. Fred Buzard et c'est Martin. Quand tu fumes pas. Fume pas dans mon cœur, tu seras bourré. Je te veux toute la nuit, fais-moi le show toute la nuit. Ouais, Martin. Jette-toi avec ton boule sur moi toute la nuit. Martin, tu fais un fais-moi saut. Fais-moi le show. Quand tu viens poser. Fais-moi le show. Viens dans l'été. Fais-moi le show. Tu vas te poser à la piscine. Fais-moi le show. Elle est posée, elle fait du sale à Paname devant Yohan. J'ai envie de lui faire du sale en musique. Mais je sais pas comment elle a fait pour me mettre à zéro. Ouais, ouais, ouais. A zéro, ouais, ouais, mais. Ça me rend fou quand je te vois. Tout mon corps est chaud pour toi. Mais d'attendre tantôt qu'à l'autre. Ben comme il gâte dans la loi. J'ai bail l'amour, bail l'amour. Yo que l'eau, yo que l'eau, que tombe et bail l'eau. Non, non, non, non, c'est pas de la vie. Mais si ça l'eau, mais si ça l'eau, mais si ça l'eau, yeah. Dance, dance, dance, ma beauté. Come on, baby, wanna win a force. Que la métoffe ne fait s'étonner. Encore! On dit que l'État, encore! On veut des billets, on veut des billets. On sent pas les couilles de l'État, on veut des billets. On veut des billets, on veut des billets. On en a marre de taffer pour rien. C'est wack ça, c'est wack ça. On dit que l'État, si tu veux pas nous donner du travail, alors on dit que l'État. Les crimes policiers, les baveurs policières. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Les crimes policiers, les baveurs policières. Esclaves de bus sont les enfants qu'on prostitue. Esclaves de bus sont les enfants connus. Qu'on nous donne pas de travail, alors ça paye, ça paye. Attends. On adore les billets. Attends, j'arrive. Vous pouvez pas nous donner le travail, on veut des billets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la Martinique, vous avez parlé? Zaza de l'espace, tu regardes sur Gulli dans la télé. Ta tête, on dirait Zaza de l'espace quand tu viens ici. Avec ta tête, on dira Bobo. Rajibus Zer, Rajibus Bleu, quand t'es posé, c'est l'été, c'est Kayate. On nique l'État, Abondi, c'est ici. On veut des billets, des billets. S'il n'y a pas du travail, on veut des billets, des millions de billets. Faut se lever au matin pour prendre des billets. J'aime pas les billets, les millions de billets. On a la table. Ça fait du bien, ça fait du bien quand il y a des millions couleur de beau, billets. Couleur violet. Ah, hardcore. Ouais, hardcore. T'es là. Oh, c'est dans. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On fait descendre. Ouh, Abondino. Avec leurs paroles, avec leur état. On s'en bat les couilles sur l'état. Y'a quoi? 7-7-9-3. 7-7-9-3. 9-9-9-7. Baby, ouais. Come on. Vas-y, on y va. Parti. On enchaîne. Viens ici, t'es posé au plat du marché. 7-7, du paradis. 0-0. Posé ici. 7-7 avec les amis. 9-3, posé ici. Dans le Gamos quand t'arrives, tu fais pas du shit et du joie quand tu posais ici. Martin il est posé ici. Avec ses cheveux bleus, on dira mannequin. Ouais. C'est pour nos femmes, nos babies. C'est pour les femmes, pour les. C'est pour nos victimes. C'est le son qu'on va poser ici dans le soleil. Ouais. C'est pour nos babies. Il fait chaud aussi quand il y a. Ouais. Dédicace à tous les. C'est pour nos babies. Ouais. C'est pour nos babies. Quand tu montes dans la voiture, on tient ces voitures de Barbie. Quand t'es posé ici, la voiture à l'héros, on tient une Barbie. Quand tu roules pas s'enfermé, t'es posé ici. La voiture, on tient un podium. Ou quand tu viens pas ici, Martin, il a ses cheveux bleus, on dirait un mannequin. Ouais. On dirait une Barbie si tu veux, mon gars. Ouais. Martin. D'abord que tu fais un prion, on dirait que t'es posé ici avec Martin. Martin est posé à pointe mondiale dans la radio. 77270, on est posé ici avec Martin. C'est pour nos babies. Oh my god. Elles sont là pour nous faire du sale. C'est doux, yo. Mal à la tête. C'est la fête foraine ici, il fait chaud, oh c'est l'été. La. Il fait très très chaud, ah bon Dieu. On dirait une canicule. SDF, Joe et ça. La canicule, c'est l'été. Tout a commencé sûrement le jour. Chaud froid, chaud glacé, chaud bouillant, c'est le Pokémon. Je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qui m'arrive d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chanson mémoire. Malheureusement, voilà, je n'en suis pas là et privé de ça, j'appuie sur la gâchette. Toton. Say you'll be never, I want you to, and never be anything I need for you. Say you do. Parlons politique, qui est au pouvoir, Joey? Oh. Un, c'est mon son. Ah, mettez le ça par là. Joanne. Ah d'accord. Attends. Vas-y, frère. Je chantais la musique de Coolio et fin de compte ça appartient aussi à mon oncle. Et fin de compte, j'ai payé mes droits et la CSM dessus. Maintenant écoutez ça. Ça me fait mal au cœur. Mon père, ma mère m'a laissé tout seul, tout seul dans ce monde là, dans le là. J'arrive pas à penser que mon père, ma mère m'a délaissé tout seul, car je suis seul au monde. Rien à faire, rien à faire. Les fésitons, les bébés, les fécoles, les fécoles, attends. Nous fais c'est fait la fécote c'est ma fécote c'est ma cano fécote mais la fécote nous fait la fécote c'est des fécotes c'est que nous fait push oh baba oh baba da baba le cœur brisé moi lourdeur. Tout seul, je suis pauvre sans mon père, sans ma mère, car je reste dans l'orphelinat chez des gens qui c'est pas mon père. Car j'ai le cœur brisé, mes larmes tombent sur le visage comme la pluie tombe. Je suis brisé sans mon père, sans ma mère, car je ne peux pas sans lui, sans mon père, sans ma mère. Je donnerai tout que mon père, ma mère, qui sache que je les aime toute ma vie. Je reste dans mon coin, sans ma mère, sans mon père, car j'ai le cœur brisé toutefois. Je donnerai tout que mon Dieu donne le plus cher, le plus cher que je sois avec attention ton père. Attention, si je suis mal dans ma peau, dans ma peau, dans ma peau, dans ma peau, Michael Jackson. Excusez-nous, petit entracte, nous sommes désolés, notre collègue n'est pas content, nous allons recommencer la chanson. Non, je n'ai pas fini la musique, attends, moi je voulais... C'est bien, pas, Esta verdad, esta verdad, toda la noche yo ralo una mi padre, una mi madre, yo que no puedo mi yo más, una mi palo, una mi palo, una mi padre, una mi padre. No puedo, no puedo mi yo más, sufrelo, sabía, sabía, señor, como me lleva uno. Todos los días llorar como yuba, quítalo, quítalo, lo pa' mi cara, yo quítalo. No puedo mi yo más, un amigo. Todos días lloralo, lloralo. Todos días me lloralo. Todos días me lloralo. Siempre es lo que la. No puedo mi yo más. Je reste dans mon coin, car je souffre dans ma vie. J'arrive pas à comprendre pourquoi mon père, ma mère m'a délaissé tout seul, car je vis tout seul. Rien à faire, car je suis seul au monde. J'ai le cœur brisé, j'ai le ma vie brisée. Je suis chez des gens que c'est pas mon père et ma mère. Car je suis dans l'orphelinat depuis petit, je suis brisé. Je donnerai tout que mon père revienne à côté, mais de mes côtés. J'arrive pas sans ma mère, sans mon père. Car je suis brisé dans ma vie. Je pleure pour ma vie, pour ma vie. Je donnerai tout que le destin fait. Dieu qui me donne mes parents à côté de moi. Ne peux pas sans mes parents, car je souffre même dans ma vie brisée. Comme la pluie tombera vie, mes larmes sur le visage coule comme la pluie, car je souffre dans ma vie seule. Elle n'avait rien à faire, car je suis orphelin à moi. Car je suis seul le vœu dans ma vie, y'a rien à faire. Soit quand tu veux, soit quand tu veux, mais il dit ma pas l'amour, date pas l'amour, il dépire la mague, corcoro. Ménage tu vas vicher, ménage tu vas, ménage tu vas vicher. Bisolende, bisolende, mais il y a pas. Piramange corcoro de blaka sim chororo. Piramange corcoro kanama tatorote. Ero ma pushe na ma kaskorom tu san me kana me kliste ma peka sueto peka sueto. Menash ti va piso lende me roba vipe. Llorar todos días pequeño yo. Sufrelo solo yo, pa mi vida no puedo más. Vete sufrelo yo, toda mi vida veda yo. Ya, yo, que hice yo, canto triste yo. Todos días verdad, puedo yo, un amigo. Todos días yo, lloralo en el you know you know you said to me but I don't defend. Eh les frères, revenez, on fait la strip. Alors, nous sommes toujours en direct de Radio Métanoïa. Voilà, donc nous allons chanter une chanson en hommage à Michael Jackson. On va vous mettre Dirty Diana. You never make me this, I'm take you well over me. I know you every move, so won't you just let me be. I felt it as before, but I was too glad to see that you don't do very mad, she likes the buzz in the pay. She said, that's okay, hey baby, do what you please. You love. She looked me deep in the eyes. I'm gonna take my time. She gon' get her divorce. I wanna take it slow. I'm not gonna know when it's show. So kick it better, you want it that shot. So look it better, said you want it that shot. So we can better, said you want it that shot. C'est tu as ce I wanna take it slow. I'm not gonna know as the show. So she the better sexy one seduction. So I can get a sexy one seduction. So we can get a sexy one seduction. On est en direct sur Métanoïa, du secteur 14 de Villevrard, sur Pinot, c'est l'été. Yamina qui est en force, qui change toutes les humeurs. Il volatilise ce qui est fixe et il matérialise ce qui est dans l'air. Voilà. Vas-y, Benjamina, continue, prends le micro, chante. Attends, t'entends pas? Vas-y. On va rendre hommage à nos amis. Et alors? Vas-y. Bon, on va faire un freestyle. Écoutez bien, c'est des fois. Oui, on va faire un freestyle, mais là, Yamina, elle était en train de parler. On s'organise un peu. Tu dis, voilà, on a ton truc, on met la musique. On attend, on respire. Parce que là, on respire, on attend. S'il fait chaud, on boit de l'eau. On prend un café. Et on attend la musique. Même si on n'a pas. Attention, dans un instant, ça va démarrer. Voilà. Ouais. Ouais, allô. Allô. Ouais, tu sais pas ou quoi? C'est MTR l'équipe, c'est pas. Ouais. Ici c'est MTR, on est posé ici avec MTR et moi. Doudou, il est vu ici. Tu pars au bled quand tu prends l'avion, tu pars direction au pays. Quand tu manges, quand tu pars, tu voyages. On est avec Martin. Martin, il a des cheveux verts. Il va partir à son pays pour voyager. Il arrive bien. Il a voyagé avec Martin dans l'avion. C'est comme la voiture quand tu voyages, tu pars pas. Tu pars pas comme un avion. Avion de chasse quand tu pilotes bien comme Mario Kart quand tu viens pas. Martin, il est ici à la radio de Bondy. Voilà, c'est Martin, il est posé ici. Martin, dessin animé du matin. Ouais, Martin. Ouais, sérieux, l'équipe sérieux. Écoutez tout le monde là, c'est sérieux là. Tu vas chercher son numéro ? Attends, chut. Écoutez MTR. MTR, ouais, c'est Martin, il est ici. Quand il vient à Bondy, il fait n'importe quoi dans la radio, il fait poser. C'est Martin quand il vient avec sa trottinette électrique. On dirait voiture sans permis quand il est posé ici, c'est Martin. Martin. Sa télé, on dirait un micro quand tu chauffes un plat. Ton plat, il est cramé, il est brûlé, on dirait voiture brûlée qui était à boîte Bondy quand il était cramé ce soir à Bondy. Ville parisienne quand Bondy s'est posé, on est posé à Bondy. Mbappé a mis la Coupe du Monde en 2018, c'était la bonne époque. Martin, joue au foot avec Mbappé. Ouais, c'est Martin. Voilà. Martin. Comment c'est la rue quand ici c'est Martin. Quand il n'arrive pas à la radio, c'est Martin. Quand t'es à la rue, c'est Martin. Il a Bondy à Port des Lilas 105. Tu prends l'autoroute pour aller à Bondy. Martin, à Bondy, si c'est Paris. On veut pas de Marseillais, on n'est pas ici. Pas de Marseille, si c'est Paris. Ici c'est Paris, 7-5. Ici c'est les Parisiens. On veut pas de Marseille off ici. À Bondy, on veut des PSG, du Paris, du Gucci, toutes les marques. Martin. Quand tu fais ton freestyle, dirais dans Skyrock. Martin. Bon, ouais, l'équipe. Ouais, c'est l'équipe, ouais, merci. Bah, la prochaine, l'équipe, là, je pars en Normandie, là, la semaine prochaine. Voilà. Ça marche pas. Oh, si c'est propre, là. Vas-y, mon frère. Vas-y, frérot. Viens, frérot. attends, il est là le micro, il est là. RMC, RMC, on le réclame tous. RMC, RMC, on veut du bon concret. Vas-y mon frère, enchaîne la chanson, enchaîne, enchaîne. Il décolle, attention. Je la vois contre moi, c'est personne. Elle m'a mis bien cette soirée, son cœur était plein d'amour, je l'ai fait, ouais. Oh les, oh oh les, oh. C'est ça ma baby girl, je sais depuis longtemps. Khalifa. Khalifa, on vous appelle. Khalifa, Khalifa, Khalifa, Khalifa, Khalif 12, Khalif 13, Khalif 5, Khalif 9. On tire, on bute, on couille, on nage. On fait quoi? On tire, on tire, on tire, on bute, on bute, on bute. Le but, il est où? Il est où? Mbappé, c'est... Lévrier, lévrier. On parle politique, on fait l'anarchie. Nous, on n'est pas contents, on veut nos femmes libres. Allez, frérot, vas-y, avec moi. Vrai, Antoine Marteau, qui c'était, qui entourait, qui était au point. Et les seuls. Capitaine, oh ouais, capitaine. Assis d'arabe, assis d'arabe. Assis d'arabe. Yana, Kabenge, Matiena, enchaîne avec moi, ouais. Il faut mon nom, il est où? Parti d'ailleurs, il reviendra. Pourtant, tu sais que moi je t'aime. Oh oui! Good chance, seven nights. Seven nights. Seven nights. Well, you know. À jamais c'est ma ciel, qui cristalle le danger. Je suis parisien dans le cœur. Jamais je vois jamais toi de mon secteur. Ouais, content. J'ai la bondi, ouais. Après, je te parle. Ouais, je remarque ça, ouais. Ma tempo, ouais. Jamais, regarde après, la scène. Vois le ghetto en moi, ouais. Et ma maman qui manque. À jamais que tu resteras maman Africa, ouais. Dans le cœur pour moi, à jamais. Pourtant, à jamais maman Africa dans le cœur. À jamais maman Africa dans le cœur. C'est ma sincère, abondi, ouais. Descends, yeah, yeah. Obligé. Because you want. You know. Là, c'est... Ah, attention, il y a la Zizi. Attention, c'est parti. On est bien. Pour une fois. Attention. Casser l'ambiance, c'est bien. Bah, chérie, je te dis oui. Barakoula Yama Chéri. Il reste le kahwa, le kahwa, le kahwa, le kahwa. Abelle, abelle, on chute avec. Alors, Yabo, notre chérie, elle est. Attention. La Arosa de Ziada, attention, c'est pas. On enchaîne, on enchaîne. La Arosa de Ziada. Elle est la Arosa. Elle est Gnali. Elle est Gnali. Elle est Gnali. Yuki Shelly. Khaa. Khaa. Doucement. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Tout le monde se met à chanter, c'est l'été. On enchaîne. Dans le tempo. Voilà. C'est pas ça, ouais. Ouais. On est là. Il fait chaud. On est au mois de juillet. Les choses se passent d'une manière étrange dans la géopolitique. Et nous, on danse. Oh, vas-y. Yeah. C'est la semaine. Allez, on se met à nous trois. Hey, hey. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bon, toi, tu commences. Non, non, toi, commence. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il est bien, ouais. Le Yaoundé a bondi, ouais. Et... Représente, représente. Oh. Il y a aussi toi, ouais. Hey, quel est ton prénom? Il y a aussi Sophie. Hey, hey, hey, Sophie. Sophie. Dans le game, ouais. Bon, bon. On chante. Bon, bon, bon, bon. Yeah. Oh, oh, oh. Le magava ça me tourne, mais t'es dit qu'elle va tourner. Toi quand qui veut ménage, t'y vas bi-kilomètre. Toi quand qui veut ménage, il y a va canadi qu'elle va tourner. Oh. DJ Dodo. Bonjour Magali. Le Magali. Bon, Magali va nous lire ça. Ouais, je sais pas quoi chanter. Il y a Magali et Sophie qui après qui vont parler. C'est ta porte. Non, espagnol. Que no puedo más una ti verdad. Me siento por ti. El amigo la venga no no no no no no no no no no no no no no no Era tu labio, inhalo la acción. Je veux ton tanto tu amor. Tes paroles, tes promesses. Et la solution. Lui donner, t'as qu'une seule vie, ma chérie. Lui donner quoi? Corazón, corazón, corazón. Ouais, voilà, je vais vous présenter. Deux secondes, d'une marque de cosmétiques qui s'appelle... Yeah, attendez, on va mettre un peu la musique, on va laisser la place à la chronique de Magali. Alors, toujours cosmétique bio, cosmétique, cosmos cosmétique. Et donc, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Pai, qui a été fondée par une femme qui s'appelait Sarah Brown. Et le nom de chaque produit raconte une histoire. Donc, les histoires, elles sont soit liées à la vie de la dame, soit aux ingrédients mis en valeur dans la formulation. Par exemple, la crème hydratante, elle s'appelle Love and Hate. Elle fait référence au quartier Haight-Ashbury de San Francisco. C'était un quartier célèbre pour son originalité et sa communauté bohème. Et la fondatrice de la marque y a vécu. Il y a aussi une autre crème qui s'appelle Épicentre de l'été de l'amour de 1967. Et une section de 8th Street a été rebaptisée Love, Amour, en 1973. Et il y a aussi une huile qui s'appelle Viper's Gloss. Et comme ça, ça doit son nom aux jolis bourgeons de la viperine qui sont semblables à des cobras enroulés qui se déroulent lentement pour laisser apparaître leurs crochets. Mais dans ces crèmes, pas de venin. Les crèmes à l'intérieur riches en oméga 3 et oméga 6 sont un pur nectar pour la peau, un antidote en flocons. Et donc, on peut aussi faire un focus sur la crème Anthemis, qui est une crème de douceur, avec une camomille qui soulage et redonne au teint l'éclat naturel. Et c'est pas parce qu'on a une peau sensible qu'on doit sacrifier le plaisir des sens pour l'efficacité. Donc, associer les deux est tout à fait d'accord. Donc, il y a une crème qui intègre des extraits de camomille et de rosier sauvage biologique pour des propriétés apaisantes. Et donc, leur peau va beaucoup mieux. Voilà, c'est terminé. Merci, merci, merci, merci, merci. La colonne de... Alors maintenant, on vous écoute. Et bazouk. On écoute votre zouk et on écoute vos paroles et votre voix et comment vous posez votre voix. On vous écoute, mademoiselle. Ouais. est bon celui-là. Ouais, cherchez, cherchez le bon son. To the left, to the left. Everything you own in the box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. And keep talking that mess, that's fine. But could you walk me out at the same time, man? It's my name, it's on that deck. So go move your back, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about I'll never ever find a man like you. Got me to stand. You must not know about me. You must not know about me. I could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you by tomorrow. So don't you ever for a second get to thinking irreplaceable. So go ahead and get gone. Call up that chick and see if she's home. Oops, I bet you thought that I didn't know. What did you think I was putting you off for? Because she was untrue. Rolling her around in the car that I bought you. Baby, drop them keys. Hurry up before your taxi leaves. Standing in the front yard telling me how I'm such a fool. Talking about I'll never ever find a man like you. Have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. You must not know about me. I'll have another you by tomorrow. So don't you ever for a second get to thinking you're irreplaceable. So since I'm not your everything, how about I'll be nothing, nothing. Truth of the matter is, replacing you is so easy. Hey. To the left, to the left. To the left, to the left. Voilà, on est sur Radio Metanoia, Dodo, DJ Dodo qui nous a mis la musique tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va passer la parole à Sophie qui... Voilà. Je l'avais pas vu, je me demandais ce qui venait. Et en plus, il sape super bien, c'est le roi de la mode. Donc voilà, et ça me fait plaisir. Il a enterré sa mère, il est toujours là. Et il est toujours là, l'ancien. Il est toujours debout. Ça fait plaisir. Il nous a parlé. Voilà, même celle qui a la casquette, qui est casse-couille, même le frérot qui est là. Et là, on a une belle stagiaire. Voilà, avec qui on va danser, on va zouker, avec le frérot qui est là. On va t'apprendre à forniquer un peu. Hein. On va t'apprendre à lâcher prise, tu vas aller en enfer avec nous, tu comprends ? On ne veut pas y aller tout seul. C'est vrai. On ne veut pas y aller tout seul. Il y a Marvin Gaye déjà là-bas, je ne sais pas si ça te parle. Avec Elvis Presley, Michael Jackson, il y a du monde. Donc voilà. Alors bon. Tu voulais parler avec quoi, Sophie ? Celle qui m'a balancé une vanne tout à l'heure, là. T'étais passé où, là ? Prends un micro, Sophie. Ouh ! Un micro, Yamila, micro. Donne-lui un micro, Yamila. Est-ce qu'il peut t'inviter à danser ? Non, pas aujourd'hui. Docteur, elle veut pas danser, elle vous regarde. Faut pas, il t'a dit bah, de pas danser pour ton stage, c'est pas bon ? Vas-y, vas-y. Mets ton casque parce qu'on entend rien. Mais attends, mon casque, c'est bon, je suis le casque. Mais prends le casque là-bas. C'est le train de finir d'être un casque. Ah, ouais, la voix, la voix, la voix, la voix, la voix. I want to see to run away, one of my friends. Ah, ouais. Bon, vas-y, donne tout là. Donne tout avec you le petit gauche. You were so bad, I don't want to be dead. Je comprends pas que tu te dis cette parole là. Un peu choquant, non? wanna know. Why do you want? Because I don't know. What you do know, my love. What I say to you, qu'est-ce que tu pries aujourd'hui? I don't speak with on you. On m'a trop donné, bien d'avoir l'envie. T'as envie de chanter ça. L'envie de m'aimer. L'envie de m'aimer. Merde. Je t'envoie pas. Tiens. Oh non. Même mon gars va s'aimer tout, t'es les gars va tout, mais tu vas vivre fiesta. No puedo mirar, mate mirarlo, me quiero. Oh, por ti, oh, por ti, oh, que me soy tanto loco. Voilà, soy tanto. Oui, voilà. Me quiero contigo. Fiesta de fiesta, oh yeah. De fiesta, oh yeah. De... Maman, oui. Gava tout me. Ah bah attends. Ménage ti babi qui n'a pas cogné, mais qu'elle me dit. Gava tout me, mais il y a pas. Fiesta, fiesta, fiesta, oh yeah. Fiesta, fiesta, oh yeah. Fiesta, fiesta, oh yeah. Fiesta, fiesta, oh yeah. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, oh yeah. Fiesta, fiesta, oh yeah. Fiesta, fiesta. Mate, míralo yo, que me soy de loco. Oh, por ti, me queriendo tanto día yo. Me soy tanto loco por ti, verdad. No puedo una tibera, me soy loco. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Excusez-nous, on a failli faire un film porno lesbien. On a failli faire un film porno lesbien, on a un peu lâché. Vas-y Sophie. Vas-y. Excusez-nous hein. On a... Bon, il fait chaud au studio, Métanoïac. Ah, ça fait du bien. Finote, c'est l'été, les gens c'est lâche. Les gens dansent. Ça zouk ici, tout le monde danse au fond. Tout le monde bouge sur ses hanches. Ta tête, ton cœur, on peut voir. C'est la liberté. On est pas là pour rigoler, on est là pour faire la fête. De la Ducky Don. Morena, morena, cubano, morena, cubano, cubano. Il est 18h, c'est la fin de la radio. Merci tout le Métanoïac. Même ma gamba, soit comme. Mon homme m'appelle. Altsebach. C'est fini. Ah, t'es pas encore là.